De Kiev à Berezov, souvenir d'une exilée en Sibérie par Madame Eve Felinska. Avant-propos. Un de ces gémissements périodiques qui apprennent de fois à autre à l'Europe que la Pologne respire encore, ayant attiré vers la fin de 1838 une recrudescence de rigueur sur cette malheureuse contrée, l'auteur du récit suivant, Madame Eve Felinska, d'une noble famille de l'ancienne Ukraine, ainsi que d'autres jeunes femmes de son voisinage, suspectes, comme elle, de regrets et de vœux pour la patrie perdue, fut comprise dans un oukase ou décret de transportation en Sibérie. Sans autre préambule, nous suivons ses traces à partir de l'antique cité de Kiev, où elle laissait ses foyers et tous les objets de son affection. Chapitre 1er. Départ de Kiev. J'ai quitté Kiev le 11 mars 1839. Le soleil était resplendissant, le ciel d'un bleu azur, et pourtant les glaces n'étaient pas encore fondues. Après avoir franchi le Dniepr, les chevaux de mon traîneau s'élancèrent à toute vitesse sur la route d'Orel. C'était le commencement de mon triste voyage. À chaque instant, je regardais en arrière pour revoir encore ce que j'aimais et ce que je quittais, sans doute pour toujours. Bientôt, hélas, Kiev disparut, et mon regard désolé alla se perdre dans l'espace. Les bruits de la ville n'arrivaient plus à mon oreille. Je n'entendais plus que le son monotone des grelots attachés au cou des chevaux et le craquement des supports de mon traîneau qui s'enfonçait dans la neige. Mes émotions douloureuses et terribles, le froid, la fatigue, me firent perdre, pour ainsi dire, la conscience de moi-même. J'étais épuisé, anéanti. Je ne dormais pas, je ne vivais pas. J'éprouvais les angoisses d'un rêve affreux. Quand on s'arrêtait à un relais pour changer de chevaux ou pour réparer le traîneau, je cherchais à rassembler mes idées. Je m'efforçais de fixer mon attention sur les choses qui m'entouraient. Mais ce travail était au-dessus de mes forces. Ma tête en feu et un malaise indéfinissable ne me permettaient plus de concevoir une pensée lucide. Les relais s'exécutaient avec une incroyable rapidité. À peine arrivé, on repartait, et mon attelage infernal poursuivait sa course au travers des abîmes neigeux. Ni les éléments, ni les obstacles, ni les dangers ne parvenaient à modérer l'ardeur des postillons. Une force surhumaine semblait nous pousser en avant. Deux jours durant, je voyageais ainsi. Deux jours durant, je n'eus pas une seconde de vrai sommeil. Mes membres, immobiles et glacés, me causaient d'affreuses douleurs, et je fus forcé, à un relais, de descendre du traîneau pour essayer de me réchauffer par le mouvement. J'avais trop présumé de mes forces, et je tombais presque évanoui sur le premier banc que je rencontrais. Le postillon m'appelait de sa voix rauque, mais je n'avais plus la volonté d'obéir à mes geôliers. J'étais une chose inerte, sans mouvement et sans pensée. Le directeur de la poste et un officier retraité, russe, je crois, me regardaient attentivement. L'altération de mes traits, la lividité de mon visage leur inspiraient quelque pitié, et ils dirent à mon gardien : « Cette femme est incapable de continuer sa route. Il faut lui accorder quelques heures de repos. Votre conduite envers elle est un abus de pouvoir. » Et ils lurent à haute voix l'ordonnance concernant les personnes de mon sexe et de mon âge. Cette ordonnance modifiait les droits du gardien sur ses prisonnières. J'en profitais, et depuis ce moment mon voyage devint moins pénible. Les premières heures de mon exil m'avaient paru interminables. Je ne savais plus mesurer le temps. Des jours ou des siècles, cela se confondait. Mais l'homme s'habitue à tout, à la souffrance, à la douleur, et il apprend à vivre quand même il n'a plus rien à espérer de la vie. Après une semaine, la résignation, l'espérance dans les infinies miséricordes, la paix du chrétien avait rendu à mon âme la force qui domine les douleurs humaines. Mon esprit, maître de lui-même, pouvait s'intéresser aux objets qui se présentaient à ma vue. Et c'est dans cette disposition plus calme que j'ai traversé une partie de la Gubernie, puis Tsernichov, la ville d'Orel, les steppes arrosées par le cours sinueux du fleuve Loka, et j'arrivais à Toula.